100% rap français. Et c'est parti juste après Default pour la nocturne 100% rap français. Ça vient de sortir, c'est déjà classé parmi les meilleures ventes. SCH est là avec nous, comment va? Ah oui tonton, ça va archi bien. Et en pleine forme? Ah oui, archi bien, dans la promo. Et ça y est, ça sort aujourd'hui, on est chaud. Ça y est, c'est chaud, c'est prêt. C'est quoi alors, c'est mixtape, c'est album? C'est mixtape. Comment on c'est qualifie mixtape, ça alors? On qualifie ça mixtape. On va dire que c'est une mixtape qu'on a bien bossé. Ah, durement bossé. Hein, durement bossé, ouais. Durement bossé. Ouais. Très très beau projet de SCH qui est là donc avec nous pendant une bonne heure. Tu vas ambiancer la nature, on va mettre tes sons. Bien sûr. On va parler évidemment de ce projet, on va parler de l'avenir parce que je pense que là ce n'est que le début d'une. Du moins la suite d'ailleurs. Parce que si on fait un petit peu ton parcours, rappelle-nous un petit peu ton parcours SCH. Donc toi t'es Marseillais, enfin tu viens de Marseille. Ouais, Marseille, Brabus Music. Donc voilà, on a commencé à envoyer quelques visuels il y a. On va dire un an déjà, c'est passé archi vite, c'est vrai. J'étais déjà passé chez toi pour le Planet Rap de la Crime. Yes. Je sais pas si tu te rappelles. Mais bien sûr. Voilà, on avait fait ce peu-clic, il avait partagé, ça nous a donné de la force. Et puis on a continué sur d'autres visuels encore. Et puis voilà, aujourd'hui je te présente A7. Et A7 est dans les bacs, et tiens, puisqu'on parlait de la Crime, on lui passe une grosse dédicace. Gros big up à mon frérot la Crime. Le hashtag libérez la Crime, faites-moi péter ça, bande d'enfoirés. Et vas-y, on va envoyer du son. On va se mettre bien, non? Voilà, on va. Toi, t'es bien, t'es posé? Bah, il te manque rien? Moi, j'ai ma vodka, j'ai mon joint, frère. C'est bon, je suis max. Allez, je crois qu'on peut donner le coup d'envoi de cette nocturne. Ah oui. Ça, c'est un morceau, justement, qui s'appelle A7. A7, tonton, le hood le sait. Le clip est en ligne depuis une petite semaine déjà. Ah oui. Je recherche mes lémés. Je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul t'en as mûré. Je peux pas perdre une minute, poutou laisse remplir la mallette. Marseille, ceux qui prieront leur dieu quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette. Papa recherche en lui un gosse mort à la buvette. Le téflon va comme un gant, je le porte comme le recuit de Michael dans Pire. Je peux pas perdre une minute, poutou laisse remplir la mallette. On a la bite dure, la tête dure, c'est pas le net qui va nous. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni pédé. Je suis ni flic ni pédé. On s'en ira, ils nous ont ni aimé ni aidé. Ni aimé ni aidé. 45 AMG au volant que des dotés gilets traits. Que des dotés gilets traits. Je viens les tuer de près dehors, j'y étais, autant hiver été. Autant hiver été. On t'applaudira jamais, j'ai sorti mon CD. Fils de pute. Rappelle-toi pour te mettre tout l'espoir qu'on y mettait. Pour te mettre. Si tout le monde veut mourir riche pour se payer le plaisir de partir en paix. Mourir riche. On finira du plomb plein la tasse, si mon cognon jamais tu nous verras ramper. Brune, masse, pute, caline, bac, chiche, cocaïne, larmes, chiffres, grand calibre, en vraie guerre, perd plus d'un soldat. Brume, épaisse, ruse, maligne, arme, crime, botanique, anarchie, ouais, les mineurs sont ivres, au frais de PMR, insolvable. Insolvable. Insolvable. Ils ont connu la crise. Les mineurs en ivre, au frais de père et mère insolvable. C'est peut-être intérimaire insortable. Se lever pour mille de ces insultants. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le time. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le time. Compris que la caille c'était rien sans le time. Au frais de père et mère insolvable. C'est peut-être intérimaire insortable. Se lever pour mille de ces insultants. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. À 7 kilogrammes, tu parles pite à la douane. Malaga, tu carbures à la douane. Froid comme en Alaska. Plutôt sans sortir une somme. On sait parler aux femmes. Sans sortir une lame. Flingue au bout du crâne. On sait parler aux sommes. J'ai écrit l'album dans les lames. Pas dans les noms, pas dans les âmes. Shark live et l'homme. Tâche son bord en shark. What the fuck. Je veux de l'enchaîne. De l'embarque. De l'embarque. J'fume l'ange, bug, j'dans l'ange, j'y dors mange. Ouais, brune, masse, pute, caline, bac, chiche, cocaïne, larme, chiffre, grand calibre. En vraie guerre, perd plus d'un soldat. Brume, épaisse, ruse, maligne, arme, crime, botanique, anarchie. Ouais, j'ai des frères pas libres, on ferait père et mère inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Inconsolable. Bloqué entre quatre murs. Quatre murs. Coincé sur la A7. A7. On s'en veut, on s'en veut. C'est le reste contre Malafacteur. Rien sans le time, rien sans le time. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le time. Rien sans le time, rien sans le taille. Compris que la caille c'était rien sans le taille. Au frais de PRMR insolvable. C'était peut-être intérimaire insortable. Se lever pour mille deux c'est insultant. Ils ont compris que la caille c'était rien sans le taille. Je recherche mes limites. Là je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera. Car toi dans le cul t'en as brûlé. Je peux pas perdre une minute, Bouton laisse remplir la palette. J'en ai remis du oh ouais. J'ai qui prieront leur dieu quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette. J'ai pas pris la main quoi. Oh ouais. Dans vos envoyés mon cul. Wesh. Asset. Wesh t'en haut. Vini, Vigi, wesh Momo. J'en ai remis du cul. Marafak. Oh ouais. Corte. J'ai pas pris la main quoi. Jésus, Jésus. Marseille. Callisto Park, wesh Boca. C'est le rap. Oh ouais. Cette planète rock. La nocturne. Alors mes scélérats, pour mes aficionados, John Lennon, bande d'enfoirés. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un truc très, je peux être seul. J'suis dans le middle, comme Marcy, comme Middleton. Elle sera dans le beau drap sous ma couette. Ton père, une arme, mon être. J'prends la palette, son cul, j'fous être. On a grandi de tête dans les dents. Bois la tête, mon foie dans les toilettes. Faut qu'on quitte la France à l'Aza. Et j'raise en gérer ça. J'ai des vampires en bas qui boirent le sang de Mère Teresa. J'suis un putain d'indélébile. Ici y'a que des Vélédas. Ils ont senti mon bras jusqu'à mon épaule, pourtant j'ai glissé que le doigt. Ah, c'est tous des pédés comme tes potes, j'étais rien, maintenant j'suis sur tes coques. Sors tout droit de l'œil du cyclone, j'pisse dans l'œil du cyclone. Pourtant tu te rappelles quand t'es rentré dans ta soirée, rabatte pour la niquer. La nuit je rêve de fourgon d'Alice plastiqué. J'suis un Kazaké dans le périple à Chihiro. Parce qu'on tombe pas les grosses couilles à Chiro. J'vais le faire, y'a R, y'a Chiro. Le route le sait, oui, tonton. Plus j'fume, plus j'm'enfonce dans le fauteuil. Tiens ma bite, tiens ma bouteille. J'vais marquer l'histoire à la motec. T'es dans le gang, bang, sans fringue, string, et bitchou sont tes flingues. Marseille c'est dingue, on est chaud comme un Engel. J'suis ton réseau, la gauche et ma ringle. J'suis pas les leaders, t'as braqué un Lidl. Au-dessus j'suis John Lennon des Beatles. Ils m'en font voir toutes les couleurs, mais j'les graillerai quand même, c'est des Skittles. Bouteau, bouteau, prends ton poppers. On est en plus grand quand j'pars, tes plus grands haters. Motherfuck, motherfuck. J'vais vous montrer c'est comment. Puto, puto. C'est le S, Godze, numéro 19. C'est les rats. Ah oui, wesh le A. Wesh Titi. Alors Marseille. Gulti, Katrina Squad, bande d'enfoirés. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Hashtag libérer la crime. A7. Vous-même, vous savez. Faites-moi péter ce hashtag. 19. Godze. Motherfuck. Quoi? La crime. Je vais vous montrer c'est comment. Hein? Marseille. Ah. Ah. J'suis venu chiffrer. Le savoir est une arme. J'suis calibré, j'suis cultivé. Maman sèche tes larmes. C'est sur toi que mes deux yeux sont rivés. Couteau j'me fais rare. Ils me verront plus qu'en 1080p. J'ai mis le carte en main. J'suis sur tous les rentés. Tous les rentés, tous les bétons. On a grandi de thé dans les taux. Poteau tu sais qu'on vient racheter ta ville. Nouveau riche avec des métaux. Tonton, j'suis au carré, j'fais pas l'entrée. On a vidé l'été, nos garçons hantés. Toi, j'te baisse tant que j'ai la santé. Toi et ta putain d'équipe, les garçons manqués. Bois cette matte, t'es scol à la putette. J'bois sec, j'tiens le gobelet, le volant. C'est tous les jours le nouvel an, salope. On a connu la dizaine. Ils étaient pas là quand on était rien. J'espère bien que tu leur as dit. J'suis pas ton type, car toi ta première partie. Cognon, dans l'appart, ça pue la widow. Eux, ils verront mon doigt et mon dos. J'mange avec les politiques. C'est les nouveaux riches avec des téflons. Je les corrige juste avec un doigt. Au foyer, papa veut juste un doigt. Tes potos s'achètent des habits. J'ai pas le temps, faut que je lui rachète un T3. Malafa. du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Mais moi dedans, mes chaussures brillent, je regarde mes pieds. Mais moi dedans, t'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la végétale, quand t'aimes plus, ils sont plus étonnés. Du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Mes chaussures brillent. Dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, dupliqué. Chichi dans la végétale, quand t'aimes plus, c'est ça. Y'a 2-3 buts, y'aura pas 2-3 bouquets, 2-3 cons du club, même pas 2-3 week-ends. Je vous ai niqué, regarde mes freestyles, dernière collection, pépé, dernière Audemars Piguet. J'ai fait du bif, on a la rue derrière, du liquide, si je te file mon équipe, ton équipe, tu connais pas ma vie, mon équipe, des appâts, des vilains, des plaques diplomatiques, des semi-automatiques, depuis ton talon, te niquer ta mère, fiston, c'est la thématique. Si je te fume, ça fait un mois, pas besoin de mathématiques. Tu peux pas nous suivre, mais mon fils ne met plus du plaqué Gabbana. J'suis sorti de la misère, il aura son hôtel à Copa Gabbana. On part à Dubaï, et l'on sort, j'ai niqué tous mes sous. J'monte à l'hôtel, à jacuzzi, ma chérie me masse le cou. On voit la monnaie, les belles choses ont un goût. Prends pas tout mon temps, j'étais en déjeuner. J'ai bien mangé, je sors de ta bulle, bouffe m'a coûté ton salaire. Je te baisse ta mère, mes petits peuvent fumer le bannière. Grosso modo, j'en ai gros sur le dos. Casque intégrale, une grosso modo. Ils aiment trop parler de la gamme, mais ces sales fils de putain n'auront fait que celle des boutons. Du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Mais moi dedans, mes chaussures brillent, je regarde mes pieds. Mais moi dedans, t'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la végétale, quand t'aimes plus, ils sont plus sédants. Du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Mes chaussures brillent, j'me prenais pas. T'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la végétale, quand t'aimes plus, ils sont plus étonnés. 45 gros moteurs, les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire, on va remonter l'employeur. On connaît pas nos peurs, on connaît peu nos pères. Tout en haut sans la paraffine, tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. 45 gros moteurs, les types voudront te faire. Ils vont remonter ton salaire. Nous on va remonter l'employeur. On connaît pas nos pères. On connaît peu nos pères. Tout en haut sans la paraffine. Tu vas pas nous faire, on sait d'où vient l'odeur. Du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Mais moi dedans, mes chaussures brillent, je regarde mes pieds. Mais moi dedans, t'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué. Chichi dans la végétale, quand t'aimes plus, ils sont plus sédants. Du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, du liquide. Mes chaussures brillent, je me prenais pas, t'es dupliqué, dupliqué, dupliqué, dupliqué, oui, cliqué, dupliqué. Chichi dans la végétale, quand t'aimes si, si, si, si. Mes chaussures brillent, je regarde mes pieds, je me vois dedans, puto. Ah oui. Tu dis quoi, Fred? Je dis qu'il fallait se procurer Asset de toute urgence si on l'a pas encore récupéré. Ouais, je dis aussi pareil. Ouais. Il fallait le récupérer tout de suite. Ah, on peut cliquer ouais, d'ailleurs sûr. Tout de suite hein, si on veut l'avoir. Ah, ouais, tu peux carrément cliquer ouais, de partout. On est sur toutes les plateformes, en physique et tout. Tu peux te déplacer aussi. Venir en Fnac. D'ailleurs, je vais me pointer là à la Fnac. Ouais, tu fais le tour des Fnac. Tu ouais, te balades un peu partout. Je fais le tour d'un petit peu toutes les Fnac. Donc, guettez bien, allez suivre justement. Je vais me pointer dans ta ville. SCH, allez le suivre un peu sur les réseaux sociaux pour qu'il vous file les adresses et ses prochaines venues dans différents magasins. Ah oui, il faut SCH, Marafak, la page officielle où il y a toutes nos actus à suivre. Et puis voilà. Donc, et le morceau qu'on écoutait aussi à l'instant, ouais, liquide avec la crème. Liquide, mes chaussures brillent, je regarde mes pieds, je me vois dedans. T'as vu En parlant aussi de la crime qui t'avait donné un petit coup d'exposition, il y a aussi quelqu'un d'important, c'est Core qui a réalisé cet album aussi avec ouais. toi. Hein. Ouais. Donc c'était une belle rencontre ça aussi. Ah ouais, une archi belle rencontre. Ouais. C'est une fusion. T'as vu comme qui dirait. Core, il est intervenu au milieu de ma création d'Asset en fait. Il arrive au milieu du projet pendant que je suis en train d'enregistrer. Mmh. Et puis voilà, la magie a opéré, comment dire. Donc quel rôle il a eu dessus en fait? En fait, il m'a taffé 5 prods, si je ne m'abuse. Et puis il est à la réal sur la globalité du projet. Ce qui fait que, tu vois, le projet il a une couleur bien prédéfinie. Mm-hmm. Même en survolant les sons, ils sont différents tous l'un de l'autre, tu vois. Mais le projet garde quand même une couleur générale. Et c'est ça que Core il a apporté au projet, tu vois. Et c'est Core, frère, c'est la magie de Core. Et bah quand on le salue aussi, on lui passe une grosse dédicace. Je pense qu'il est à l'écoute, ouais. Je pense énorme qu'il... Et le frangin Bellec aussi, comme d'hab, évidemment. Le frangin Bellec, ils doivent être en studio, t'as fait du son, surtout en ce moment. Donc du coup voilà, ils sont dans le boulot et ils arrêtent pas aussi. Tu vois, donc énorme big up à eux et force à eux. SCH avec nous, l'album est donc, enfin je dis album toujours, mais la mixtape est dans les balles. Le projet, je vais dire projet pour résumer. Voilà, le projet. Ça va être le juste milieu. C'est une mixtape. On est allé léger. Toi, c'est quoi d'ailleurs tes souvenirs de gamin, ce qui t'a mis des claques dans le rap français, les morceaux que t'as saignés, que t'as beaucoup écouté? Les morceaux que j'ai saignés, il y a des albums que j'ai saignés, ouais, j'ai saigné Panthéon, j'ai saigné Temps Mort. C'est des vrais albums, t'as vu? Après j'ai décroché le rap français, je suis plutôt chez les Quinri moi. Et sur la scène marseillaise, des gens que t'écoutais aussi beaucoup ou... Ah ouais, le rap. Le rap Luciano. On lui doit bien ça. Ouais. Et puis je vais rester sur le rap frère. Parce que ça a toujours été ça. C'est le rap. Et puis comme nous tous, je pense qu'on attend ce retour du rap. On l'attend tous. Désespérément, d'année en année, on se dit putain, il va arriver. Ouais, on le salue en tout cas aussi le rap. Big up. On repart sur quoi SCH comme morceau? Ben frère, moi je dirais que vu qu'on a envoyé liquide et tout, et pour faire un énorme big up au frérot Lacrim, j'aimerais que tu envoies Poutine. Poutine? Parce que c'est un putain de son et les gens ils vont kiffer. Ah bah laisse-moi le temps justement d'aller chercher le morceau Poutine dans la discothèque et on va le balancer tout de suite. Ouais, bien sûr. Tu as recroisé d'ailleurs Lacrim juste avant qu'il se rende en début de semaine, t'as eu l'occasion de le croiser? Écoute, non, on n'a pas eu le temps, moi j'étais dans la promo comme je t'ai dit, je suis déjà en train de taffer les nouveaux projets, tu vois. Donc lui, il avait certainement des petits trucs à gérer et tout avant de se présenter. Et du coup on n'a pas eu le temps de se voir. Mais on était ensemble pour le tournage du clip, ça fait que je l'ai vu il n'y a même pas. Ah oui, mais c'est vrai, mais tu es dans le clip, bah oui, bien sûr. Bah on était ensemble là, il y a 2-3 semaines à tout péter, t'as vu. Après, nous on savait qu'il devait se présenter et tout, du coup, voilà, on était un peu près à ça, quoi. Lacrim, Poutine, c'est extrait aussi de Ripro 2 hein, qui arrivera le 11. Ripro 2 qui arrive le 11, ouais. Le 11 décembre prochain, et une fois de plus, donc une grosse dédicace à Lacrim qu'on écoute maintenant avec le morceau Poutine. Vous vous retrouvez d'ailleurs dans le clip, monsieur SCH. Ah oui. La rafleuse, tonton. Hey, j'suis posé, j'fume la bœuf devant Calaf. Parce que j'ai fait mes 6 chiffres dans le mois. Elle n'a même pas eu ma queue, cette salope. Elle dit même qu'elle a un gosse de moi. J'ai du poids sur le dos. Et je sais que les démons m'observent. La main de leur couloir. On fait le sale boulot, comme ton père, j'ai autant de cernes. Les cartes CRS, les bêtes de prison, pas de période creuse, ma femme et Laura sont faisant. Niquer ta grand-mère, telle est ton ambition. Par des sous, je tirerai de mes mains le bison. Dis la Pelec, sous la pluie de balles, Halbat Selec. Ma paire de chaussures, 940 tal. Pour ne se faut bien plus que la corps parentale. Frère, même la taille, ça devient la routine. Allons faire goûter du Chivas à Poutine. Gros, je me fasse sur la plage, mes frères qui me vengent, ton frère en otage. C'est qu'une balle, dis la vérité. Ce qui t'arrive, tu le mérites. Nique ta mère, je suis VIP. Première classe sur un mérite. Je n'ai tout, je prends des billets violets. Comme parisien, marseillais, lyonnais. Amélioré, 4.0. On compte que les actes nous servent de mieux. Je m'en bats les couilles de savoir c'était bon. SCH et la rafleuse rime que c'est le fusil à pompe. Quelques lacunes à combler. Je vais laisser leur étage, continue de m'accoupler. Loin des bouddhas, toujours un guichetat. Je reste loin des mythos qui parlent de temps dans les chichas. Chava, Eli. On les baisse sur le taille, y'a pas de crédit. La mer, j'en ai marre, je suis à l'aise. Corps et Pellet, c'est Neymar Suarez. On a conçu les prods à Bucarest. Froid, on sent pas les coups de vos caresses. Fini la paresse, lâchez la laisse. Ils diront qu'ils nous ont jeté de la falaise. On est trop à l'aise, tu sais qu'on les baisse. Numéro 1 vont tous faire un malaise. La crème. L'histoire s'écrit. Et c'est moi Castello. Je baisse. C'est la rue. Pas de prof de philo. Ça a beaucoup plus, je vais les gronder. Tous mes types courent après le condé. Comptez du bip, mon frère, je suis rodé. Tu passes moi, t'es qu'un érodé. Y'a des hommes qui tuent pour nous. Je suis au resto, tu fais le grand écart. Y'a des fils de pute qui voudraient voir mourir. J'amène mon fils à Montecar. C'est que les enfants mettent le silence. Trop pour le trône, ramène le divan. Dis pif à la tête, c'est hallucinant. Puis de gosse, on mange le ciment. La planète.

rend dingue cette prod, frère. Et le clip aussi incroyable, hein, le clip. Ouais, le clip, bah ouais. C'est fou. Retour incroyable. T'as vu, 5 millions de vues. C'est un clip qui a été tourné en Italie, hein. Ouais, donc à Scampia, on a été archi bien reçus. Donc je tenais à remercier, les potos qui tournent dans la série, qui nous ont archi bien reçus. Les frangins de là-bas, du quartier, qui nous ont reçus vraiment comme à la maison. Comment d'ailleurs on prépare un tournage comme ça? Parce que c'est vrai que c'est un quartier en Italie assez chaud, hein. C'est un endroit assez tendu en Italie. Ouais, c'est un quartier qui a quand même un passif. C'est un quartier qui a un gros passif. Après, t'as vu, à Marseille, il y a des contacts. Et puis voilà, c'est des trucs qui se filonnent rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas loin, on est à proximité quand même, bien que ce soit à l'étranger, t'as vu, on arrive vite à se capter et tout. Et puis Charlie Claude-Jean à la Real. Big up à lui, il a fait un énorme clip. Et puis je pense que c'est le fruit de... C'est le fruit de beaucoup de travail et puis de l'envie, tu vois. Il y a beaucoup d'envie derrière ça. Et puis quand tu mêles tout ça, on arrive à faire de belles choses. Alors il y a PNL aussi qui a été tourné un clip là-bas. Ouais. C'est un truc, toi tu étais déjà parti pour le clip quand ils l'ont balancé. Tu savais qu'il y avait aussi un autre clip français qui avait été tourné. Alors je savais carrément qu'ils avaient tourné là-bas. Bon, nous le truc c'est que t'as vu Gomorrah, on l'a enregistré il y a... archi longtemps, ça veut dire, il y a une vidéo studio qui est postée sur YouTube, elle date de peut-être 6 mois, t'as vu, donc je pense qu'on était dans les temps, en vérité. Donc l'idée était déjà là depuis un moment. Ouais, grave, sauf que nous, le projet, on l'avait annoncé pour telle date, on avait, on structure bien correctement les choses, du coup, c'est intervenu après leur clip, mais je pense que ça intervient pas trop mal, parce que c'est filmé d'une façon différente, on va dire, t'as vu. Et puis voilà quoi. Et tu te sens proche d'ailleurs PNL de ce qu'ils font artistiquement et tout, musicalement? Je trouve que ça peut se rapprocher, tu vois, pour certains gens qui diraient que... Enfin, pour les gens qui écoutent moi et aussi PNL, t'as vu. Mais après, je pense que c'est quand même des univers bien différents, tu vois. Et puis voilà. Bon, et très bien. Donc allez mater le clip si vous l'avez pas encore fait. C'est combien? 5 millions de vues, hein, celui-ci, hein. 5 millions de vues, ouais. Big up à tous les gens qui le font tourner. En même temps, tes clips, ça se passe bien. Regarde, quand on pense à millions aussi, je crois que c'est pas loin de 5 millions d'ailleurs. Il fallait. Si on faisait pas le million avec celle-là. Ouais, ça aurait été con. Ça aurait été un petit problème. Mais ouais, ça va. Les clips, ça marche plutôt bien. Et puis voilà, mais c'est qu'un début, t'as vu. On prépare de vraies belles choses. Et à suivre. Donc, c'est quoi d'ailleurs les prochaines images qui arrivent? Tu peux nous dire, SH? Les images qui arrivent, on a un clip encore promotionnel, tu vois, sur A7, qui va sortir bientôt. Ça sera bientôt dans vos yeux. Bon. Je vous garde la surprise, mais t'inquiète même pas, ça va être bien proche. Puis en attendant, donc il y a A7, c'est dans les bacs là depuis aujourd'hui. Ouais, A7 dans les bacs, sans oublier qu'il faut aller le chercher. On repart sur un morceau? Ah oui, mauvaise idée. De mauvaise idée naissent. Enfoiré. A7. Poto. Je traîne pas dans ta chicha, j'ai déjà léché qu'en noir c'est pas le toucher. Oh ouais. Je traîne pas, je suis plus petit, j'en jura pas, oui, cloré, j'ai sorti le projet. Je peux côtoyer des teutrés, j'ai déjà le cœur animé par le CV. Je me suis noyé dans le fond de mon revêt, j'ai survécu, j'ai tout bu, assoiffé par le feubé. De mon vas-y de masse. Tu prends la fin, la bitch, tu veux ma mort. Prends tes couilles et prends ma vie, je rêve. Si t'es le mouchoir avec mon flingue à la rue. Peut-être que l'un de nous deux ce soir doit rendre là. Ah, faux plastique. Dalis, tu veux me gagner, mon frère, y'a du monde, faut tu prends ton ticket. Ralis, tu penses quand tu sors ton briquet. Tu mets ta main dans ta poche, qu'y a pas un ticket. Reste pas un ticket, mets-le pas un billet. Baise la concu sans la déshabiller. Je continuerai tant que je verrai pas les yeux bleus de maman briller. Je suis comme dans un scaphandrier. Enfermé dehors, j'ai vu tant de potes frier. La folie me prendra, j'aurai pas le temps de crier. Le temps passe, l'œil sur le calendrier. Tu t'enches gaz, remplis ce foutu cendrier. Les portes, ils sont closes, ma fuck, j'ai le blues. Retourner dans l'oubli, mon frère, je prends le risque. Tu sens la loose. Je monte un bulging, brick après brick. Ma fuck. En marmadi, cette année, soit je vis, soit je prends 10 ans, soit je clams. Soit je pèse, soit je continue, soit grâce. Faut pas je traîne, je trouve un clean pour chaque gramme. On a les mains sales, tu veux les rincer. Le sale reste sale, même si ça se lave. Striptease savent, je suis dans la réalité, faut pas vous pincer. De mon vas-y de neuf. Je traîne pas dans ta chicha, j'ai déjà léché qu'au noir, c'est pas le toucher. Je traîne pas, je suis plus petit, j'en jura pas, oui, cloré, j'ai sorti le brochet. Je peux côtoyer des teutrés, j'ai déjà le cœur animé par le CV. Je me suis noyé dans le fond de mon relevé, j'ai survécu, j'ai tout bu, assoiffé par le feubé. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. De mon vas-y de neuf. Wesh. Wesh tous mes scélérats de France. Wesh Marseille. Parc Caliste. Wesh la Bricarde. Wesh Khalil. Enfoiré. Ah. Lapso, Sadek. Numéro 19. One Love. Ils vont finir Ariane. Ah yep. Enlève ta culotte, salope pas de manière. Elle prend ma bite en main, bébé veut faire carrière. Elle veut faire carrière, string à la lière. T'es arrivé en lob, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle. Alien. Tiens en lob, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle. Alien. Elle est bonne, elle veut faire carrière. Œil pour œil, le tout pour le tout. Bagdad, 1-3-9-3 zou. Crache dans ta bouche, pas dans ton yop. Allez, enlève ta culotte, Ariane, Ariane. Paye-moi, me raconte pas ta vie. Ce que t'as fait dans le mois, moi je l'ai fait à midi. Ma chérie mis à mort, après cette nuit. Tu vendras ton corps pour m'acheter des anotis. Ta chérie c'est ma chienne, je la tienne. C'est normal qu'elle réponde pas aux appels. Elle décroche pas, à tes je t'aime. Tout simplement parce qu'on parle pas la bouche pleine. Fais pas perdre mon temps, tu me connais. Sur la A7, je peux te faire faire des tonneaux. Mon ami, tu me remets. C'est moi qui fais passer du jaune au violet. Avec le casino, enfoiré. Elle prend ma bite en main, bébé veut faire carrière. Elle veut faire carrière, string à la lière. T'es arrivé en lobe, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle. Alien. Viens en lobe, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle. Alien. Elle est bonne, elle veut faire carrière. Œil pour le tout, Bagdad 1-3-9-3 zou. Œil pour œil, le tout pour le tout. Ah oui, ma maman veut pas, il me faut une somme. L'amitié j'ai déjà donné. J'ai grandi, j'ai compris. Je leur ai montré, je suis monté. J'ai fait mon trou, j'ai fait mon tri. T'as des bouilles dans un box, ils ont les couilles dans les socks. Je n'ai fric et donc elle se demande si l'euro vient du top. C'est la raison. En plus elle kiffe. Elle voit nos armes et nos sables. Elle voit du bif. Ma chérie, j'ai pas les mots. J'suis déjà ivre. Prends les devants, fais pas marche arrière. Si tu veux faire carrière, carrière. Prends les devants, fais pas marche arrière. Si tu veux faire carrière, carrière. Ils ont retourné leur veste, ils vont partir ailleurs. Allez, enlève ta culotte, salope pas de manière. Elle prend ma bite en main, bébé veut faire carrière. Elle veut faire carrière, string à la lière. T'es arrivé en lobe, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, alien. Viens en lobe, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle. Alien. Elle est bonne, elle veut faire carrière. Le masque est tombé, tant pis. J'arrive, solo. Trois mots, plus que deux. Plus qu'un, l'abso. Tu vas repartir alien, mon frolo, mon frolo. Sur la 7, y'a un ovni, un alien dans le vaisseau. Elle veut faire carrière, monte dessus. La plus bonne de la plus bonne, elle a le nez dans ma repu. Y'a une décision à prendre, boy, on passe par moi. Y'a quelque chose qui se manigance, freul, on passe par moi. Y'a la best quality, elle passe par moi. Elle est certifiée, salope, le S, elle passe par quoi, freul. Enlève ta culotte, salope pas de manière. Elle prend ma bite en main, bébé veut faire carrière. Elle veut faire carrière, string à la lière. T'es arrivé en lobe, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle, alien. Viens en lobe, tu vas repartir ailleurs. Avec elle, avec elle. Elle est bonne, elle veut faire carrière. Ah oui. Wesh, Sadek, enfoiré. Ah, il a dû sortir son freestyle là, Nicky Santoro. Ouais, c'est sorti, ouais. Ah ouais, il faut aller voir ça, il faut aller voir ça. Et puis j'invite tous les gens d'ailleurs qui découvrent Lapso à aller voir sur YouTube, à aller se renseigner. C'est un Lapso, vrai Laps. C'est un vrai univers. Lapso, L-A-P-S-O, bande d'enfoirés. Un putain de son, pas de manière, disponible sur A7. Et donc, ouais, en effet, tu le disais avec Sadek aussi, qui est présent sur ce titre. Ouais. Qu'on retrouve donc sur A7SCH, après le contrôle de la nocturne déjà depuis quelques minutes. On continue encore un petit peu, SCH, on s'arrête pas. Bien là. Sûr, attends. On va mettre un peu de son, non. En matière, frérot, en matière. On va en profiter encore, on va pouvoir balancer du son et profiter de toi pendant quelques minutes dans cette nocturne. Carrément. Il y a des dates aussi, tu vas avoir des concerts, des showcases, on peut te retrouver, SCH. Écoute, t'en as en tête ou. Demain, je suis au Red Room à Lyon demain. Mmh. Donc ouais, pour les poteaux de Lyon, pour mes scélérats de Lyon, je vous invite à venir demain au Red Room. On va tous mettre le doigt, bien comme il faut. Et voilà, venez en masse, on nique ça. SCH avec nous. Dans la nocturne, on repart sur quoi, SCH? On part sur quoi? On part sur quoi? On part sur quoi? Écoute, moi, je partirais bien sur drogue prohibée, frangin. D'accord. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais, pour les potos qui s'ambiancent là en ce moment. Bah, c'est l'heure, à peu près. Non, toi, généralement, le vendredi soir, ça ressemble à quoi, toi, tes vendredi soir? Ouais, mais vendredi soir. Ah, mais vendredi soir, c'est studio, écriture. Et puis voilà, frère, on s'ambiance à notre façon. Eh ben, à la tienne. T'inquiète même pas. SCH avec nous dans la nocturne A7 et dans les bacs depuis aujourd'hui. A7 SCH. C'est les rats. Corps. Oh merde. J'attendais depuis longtemps. Hein. Dieu lui sait que viendra mon heure. Je n'attends rien d'évident, non. On s'aime, on s'abandonne. J'ai grandi les tonnes sur le dos. Tu sens sur les mains. Je tombe, je me relève. T'aurais voulu que je crève la hauteur. Deux flingues sous le manteau. J'ai tant d'ennemis maintenant. Mes poutres, y'a l'euro, c'est chambé. Je dois vous laisser, je m'en vais. Pas prohibé. Pays-Bas, fumer le PIB. Paye en espèces, on n'a pas de RIB. J'suis avec Diracli, au VIP. Non, trop prohibé. J'monte au Pays-Bas, fumer le PIB. Paye en espèces, on n'a pas de RIB. J'suis avec Diracli, au VIP. En plus, j'tire la concu par le lab. Il paraît que tu tires. J'étais rien là, tu m'vois sur le drone. Cause à mon canon cire. Je sais, tu crois sûrement que j't'abandonne. Ton fils n'est plus qu'une ombre dans l'appartement. Demande. Ah oui, j'étais tapis dans l'ombre. Et tu m'as remis sur le terrain. C'est bien moi là, ouais. Ouais. C'est ta vie qu'on a pris à l'âme. Tu me sors des outils. J'crois que tu veux jouer. Trop prohibé. J'monte au Pays-Bas, fumer le PIB. Veille en espèce, on n'a pas d'RIB. J'suis avec Diracli, au VIP. Trop prohibé. J'monte au Pays-Bas, fumer le PIB. Paye en espèces, on n'a pas de RIB. J'suis avec Diracli, au VIP. J'suis dans le précipice, sans notion du vide. J'prends la notion cul sec à ma réussite. J'les écoute passer des puces, elles y paraissent impulsives. J'suis venu pousser leur merde, ils vont tous céder. Hilton veut une paire de solaires, mais quitte à mon clair. Ou Louis, chérie, j'suis pas ton sauveur. J'sais que t'en as envie, j'en opère, toujours roi dans l'air. Follow me, j'vais me noyer dans le fond d'un rêve. Trop prohibé. J'monte au Pays-Bas, fumer le PIB. Veille en espèce, on n'a pas de RIB. J'suis avec Diracli, au VIP. Trop prohibé. J'monte au Pays-Bas, fumer le PIB. Veille en espèce, on n'a pas de RIB. J'suis avec Diracli, au VIP. Amère, tu m'as raté, tu m'as raté. Tu voulais me faire, tu voulais me faire. Tu m'as raté, tu m'as raté. Amère, tu m'as raté. Amère, tu voulais me faire. T'avais ton fer. Mais tu m'as raté, mais tu m'as raté. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Ah ouais. Wesh Wormsy. Wesh Caris. Marseille. Ah ouais. Puto. Sur les euros, sur les lingots, sur les bagues, sur les chaînes, sur les lampes. Ouais mon bendo, 2-7-0. Sur les tables, sur les chaînes, sur les bregos. Sur les euros, sur les lingots, sur les bagues, sur les chaînes, sur les lampes. Ouais mon bendo, 2-7-0. Sur les tables, sur les chaînes. Sur les plus hauts plateaux de ma vie, je les vois, j'ai des fourrés. Je ne tiens qu'à maman comme mon calibre, elle a déjà de vrai lettre. Le shit rassasié, les garants, c'est ça en faux, y'a pas de bouton reset. Je vois des jeunes fêtards en visage creux, je vois mes tu les fournir. Sur les plus bâtards dans ta ville, chez toi t'es qu'un touriste. Je me tiens pas à carreau dans ton route, je connais déjà les vedettes. Fais pas aux apparences, ça rend fou, leur veste en cache souvent de vedettes. Sûr de moi, sûr de nous, avant de te faire, j'appellerai mon feriste. Ta feriste, on mange pas les restes, elle grimpe au rideau, je lui fais côtoyer les vrais. Ah ah ah oui, garde du sang sur ma veste, elle veut nettoyer sans savoir ce que j'ai fait hier soir. J'ai pris le temps et la tire, le gros le petit. Où sont mes scélérats, je vais mettre la bouteille, où sont mes ennemis. Que veut me faire tourner comme un circuit carole. J'suis pas patriarche. J'suis avec mon fils sur une affaire, il conduit la bagnole. Faut que j'm'arrache. La banlieue ramène du shit, personne parle espagnol. J'rappe depuis un cimetière. Faut que j't'achète sur la civière. J'ai la cale à fossifère. J'ai le match quand tu bois des bières. Change de bico toutes les semaines. J'ai la canne baisse, y'a Helja. Le mago, j'ai la Helja. J'prends le confio, RRSA. Si j'tire sur un acteur, est-ce que j'vais crever l'écran? J'vais niquer les traceurs et ensuite ta maman. C'est pour tous mes braqueurs et bigraveurs de calmant. C'est mon fils qui tient le volant dans un gamos salement. Sont les euros, sont les lingots, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Où est mon bendo, 2-7-0. Sont les tables, sont les chaînes, sont les vrais gos. Sont les euros, sont les lingots, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Où est mon bendo, 2-7-0. Sont les tables, sont les chaînes, sont les vrais gos. On roule sur bisexe, seigneur de guerre sur le toit du gratte-ciel. Mauvais greffon, j'suis incompatible, mais j'suis toujours mieux habillé que ma cible. Hardcore comme ta sœur dans un gangbang. Les dinosaures veulent résister au Big Bang. Prends-la dans ton huc, la longueur de mon bord. Pendant que j'plante ma lame dans ton cœur de porc. Délias, délias, délias de nique. J'suis encore plus noir que l'as de pique. Je viens de la France d'en bas des HLM. Gros noir, refait, gros bras, gros pec, blindé, c'est ça qu'elle aime. Bitch, peut te faire décoller plus haut que Air France. KLM, KLM. Je les attrape par les hanches, pute. Des muscles plein les manches, pute. À genoux devant le manche, je te crache sur ta frange. J'ai dit pute. Je me noie dans l'alcool, ma foi. Tout ce que je vois, malgré tout ça, c'est plus de travail, plus que mon foie. R-A-N. Sont les euros, sont les lingots, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Où est mon bendo, 2-7-0. Sont les tables, sont les chaînes, sont les vrais gos. Ah ouais, double fuck, toujours dispo. Mais c'est les rats. Je crois qu'il y a Riska qui sort un son tout à l'heure, demain. Faudra aller. Bah ouais. Ah ouais. 100% rap français. Wesh le A, wesh TG, wesh Guest. Ah ouais. Je les baisse, je trouve juste ça drôle. Tape, stop, je vendrai père et mère pour quelques salopes. Tape, pour eux faut pas sortir les métaux lourds. J'ai juste un bundle. Quoi, ces boutons sont tombés sur un os. Moi je veux rien de. Je m'en pèse mes bitches à ma drogue. Tape. Ils vendraient ciel et terre pour quelques enveloppes. Tape. Je reviens loin, je reviens du hood. Juste tape. Mort. Ces boutons sont tombés sur un os. Moi je veux rien de. Juste. Nettoyer le game en un pas. J'suis juste venu niquer des mères. Ils ont mis des fusils dans les mains des apaches pour nous faire la guerre. J'ai du temps pour l'ennemi, lui non. La nuit, je vois du plomb plein sa poitrine et du sang sur ses petits lui non. Lui non, lui non. J'ai même mon crèche sa mère, donc j'ai le pouce sur la périne. J'fous le feu sur la ville où ils m'ont. J'fais juste le vœu de leur mettre jusqu'au fond. C'est ça, non, on n'a qu'une vie. J'ai des sous et mes chéris, ils m'en font. D'où j'annonce les on pilote. Chacun sait que j'ai pitié, peu j'ai piché. J'vois du haut de la pyramide où ils en pilote. Vu notre âge, on s'appelle, c'est qu'on a triché. Fallait chiffrer pour s'acheter des belles choses. J'y repense, j'ai le blues. J'ai le mal, tu m'en veux, capable, si t'as, j'te l'avoue, j'y attends si fort, mais ça m'obsède, putain ça m'obsède. J'ai fait un rêve où c'est un scrève, cap, celle-ci me plaît parce qu'elle a ce timbre. J'suis plus élève, frère, j'dépasse maître. Dehors, on attend errer dans des rues pas nettes. Tous les soirs, je voyais rouge, je tenais des pastels. Hein? J'ai la ville arrachée, ils veulent des casse-têtes. J'ai pris les rênes, ils prennent des masters. Couteau, tes potes me verront plus qu'en HD. Ils me verront plus qu'en 1080p. J'suis juste venu niquer des mères. Ils ont mis des fusils dans les mains des approches pour nous faire la guerre. J'ai du temps pour l'ennemi, lui non. La nuit, j'vois du plomb plein sa poitrine et du sang sur ses petits, lui non. Lui non, lui non. J'ai même au crèche sa mère, donc j'ai le pouce sur la périne. J'fous le feu sur la ville, lui non. J'fais juste le vœu de leur mettre jusqu'au fond. C'est ça, non, on a qu'une vie. J'ai des sous et des chéris morfons. D'où j'annonce les on pilote. Chacun sait que j'ai pitié, peu j'ai pigé. J'vois du haut de la pyramide où ils en pilotent. Vu notre âge, on s'appelle, c'est qu'on a triché. Fallait chiffrer pour s'acheter des belles choses. J'y repense, j'ai le blues. Non, non, non, j'ai le blues. Ah oui, j'en veux, j'ai le mal. Tu m'en veux, t'as pas, si t'as. J'te l'avoue, j'y repense si fort. Ça m'obsède, putain ça m'obsède. Sème son dans la voile, y'a chance plus tombant d'en avoir. Papa n'a pas trouvé sa voie, tu m'en aimes, tu vas en avoir. Je l'ai sème son nez dans la voile, y'a chance plus tombant d'en avoir. Papa n'a pas trouvé sa voie, tu m'en aimes, tu vas en avoir. Planète Rap, 100% rap français. Ah ouais! On revient à nos classiques. Hashtag libérer la crime. Bah, je ne leur accorderai pas le respect, même s'ils me sucent le bâton. T'es bon, tâche de le rester. Personne t'aidera, ni même Satan. Va t'en prendre ta truelle. Je t'attendrai dans ta ruelle. Je suis dans l'ombre, bang bang. Je vais faire galoper mon naturel. Y'a le vent, la pluie, la faim, la soif, on a la soif. Les flingues, les balles, les étuis. Ton équipe a les tapes, les tops, les seringues, les carreaux, les aiguilles. Y'a le jour, la nuit, le devoir, le droit de faire que leur ventre réduise. Y'a ceux qui sont pour, y'a ceux qui sont contre. Mais ceux qui sont contre, ils savent que le doigt je l'ai mis. Cruel comme bruel. La misère du monde réside pas dans mon nombril. Hier j'étais sur tes côtes, ce soir ils seront sur mon gré. La rue c'est vous, que c'est vous les clochards. C'est tous des lecoq, tous des sosas. Dans les clips ils tiennent les tailles. Dehors ils tiennent les soldats, les lançards. Millions d'euros, je me ferai pas mettre dans ta rue. Quand t'es sur un deux roues, je suis pas sorti d'affaire entier, t'as vu. J'suis là pour le prestige, comme au MDMC. Ici on prendrait des piches pour mourir au Tennessee. Oh oui. J'pars en guerre, photo, j'ai mis de l'espoir. J'avais le regard vite dans le square. J'souffre encore des stigmates sous mes sapes. Écoule encore de mon sang où j'sonnais le soir. J'ai fumé ma jeunesse. On s'est fait chier comme c'est pas permis. Les fantômes en renaissent. J'suis pas un trave, cache pas mes peines sous le vernis. Faut que j'suis le terre-terne et le coupable sur le RR. Mille au top comme Procop, j'viens de péter l'hernie. Du respect pour le paternel, on se donne ce que le temps nous permet, puisque le temps nous ternit. J'vais pas te mettre une demi que si j'peux te la foutre en entier. Non, j'vais marquer les 6 mètres. Elle se tape de mon poste, de mes choses. Cette pute, elle veut m'en doubler 6 mètres. Raté plus la piste, j'suis au port des abysses. Ziffé sous le matelas, tonton j'suis pas pisse. J'retire, j'retapisse, j'rentre seul, j'rentre assise. J'la prends debout, couché assise. Coupe en gramme de 1000 kills d'autonomie. Comme l'homicide avec monotonie. J'suis dans la cabine, t'entends la mort au chromie. Couteau, j'suis au fond de ta gorge dans l'OD. C'est la Nocturne 100% rap français, CH au contrôle de la Nocturne. Oui, tonton. On est reparti sur les tonton. Classiques, donc millions à l'instant. Millions à l'instant, millions à l'instant, donc sur Extradri Pro, ouais. Bah ouais, Extradri Pro. One Love d'ailleurs à tonton, qui, tonton m'a donné, une place de choix dans ce projet, t'as vu. Donc voilà, énorme. Et bah, j'espère que là où il est, il veille tard, en tout cas on lui a dit. Mais bien sûr. Ça a fait du bruit pour dire putain, il y a SCH qui est dans la Nocturne, il arrête pas de dédicacer la crime. Aïe aïe aïe. On pense à lui fort en tout cas. Sûrement. Grosse dédicace à la crime. La Nocturne 100% rap français. SCH avec nous pendant quelques minutes. On va repartir pour une nouvelle session. SCH, tu veux bien? Bah ouais, carrément. Moi j'aimerais bien que tu envoies Aniki, ouais, pour mon poteau Ous. T'as vu? C'est pareil, ça vient du sud, hein, c'est une connexion sudiste. Bah ouais, en ce moment il est sur Paname, en plus il taffe. T'as vu? Donc je pense que ça intervient bien. Et bon, on l'écoute maintenant. Ous, ah oui. SCH. Le morceau c'est Aniki. Ouais, le morceau c'est Aniki. Aniki, Aniki. Ous, gueule toi, encore une fois. Wesh Antman, wesh Naïd. J'ai toujours mes deux pieds devant le DBB, rien n'a changé, je suis à la gratte. Ma mère serait fière de moi, j'ai préféré faire le rappeur qu'aller à la fac. J'fais passer le temps, j'fais que fumer, dépenser mes billets. J'taffe comme un chinois, j'fume comme un antillais. Toute ma journée, j'crache ma haine dans le cendrier. 25, j'ai dans le caleçon 6,35 dans la poche de mon blue jean. J'ai le cerveau enfumé, j'ai les yeux rouges sans hémoglobine. Wesh mes rayons, wesh mes scélérats. Ce qu'on veut, c'est passer du Clio au Porsche Panamera. Faire lever des foules comme en série A. Pour la suite, je sais comment ça se finira. La tête dans les nuages, ouais j'cogite. J'tire sur mon pétard jusqu'au filtre. J'vais me faire sucer, j'repars direct dans un Covid. All in, dealer la douille, ouais j'leur mets all in. J'meurs pour toi comme Aniki. Aniki, Aniki, Aniki. Oh, oh, j'tremperai pas les douilles pour mes rimes. Et j'attendrai pas qu'il en puisse me faire pour voir ce qui va. Des fois mon raté, des fois mes potos. Tu veux killer mon frère? J'suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? Poto, j'suis Aniki. Tu veux killer mon frère? Aniki, Aniki. Deux dans le front, ton sang sur la béquille. Pris comme du Swarovski Puto. Peuf dans le front, ton âme sur la bouquille. Ouais, ouais, tu veux killer mon frère? Aniki, Aniki. Pris comme du Swarovski Puto. Enfile ton téflon, t'es sur tes hostiles. Croyez le monde comme la Corée du Nord. J'ai la tête à John Wick, le Glock à Salvatore. J'ai foutu mon plus beau manteau sien et mes plus beaux souliers pour crosser le taulier. Mais règle peut-être qu'on crèvera dehors. Maman s'est noyée sous des dettes, elle peut plus s'éloigner. Pété faute, j'ai les poignets joints, c'est 7 ans qu'en frangeau ailleurs. Je veux aller ailleurs, elle m'excite pas ailleurs. J'pars en guerre, j'vous vois tout petit depuis l'Himalaya. Des bouches cas du touché, j'm'en fous, j'dans la prise. J'veux la paix, la fraîche. Aniki, Aniki. De ton front, ton sang sur la béquille. Brille comme du Swarovski, Puto en file, quand t'es flanté sur ta rastille. J'tendrai pas les douilles pour mes rimes. Allez, j'attendrai pas qu'il en puisse me faire pour voir ce qu'il veut. Des fois m'ont raté, des fois mes potos. Tu veux killer mon frère? J'suis Aniki, Aniki. Tu veux killer mon frère? poteau, j'suis aniqué. Tu veux killer mon frère? Poteau, j'suis aniqué. Tu veux killer mon frère? Oh ouais. Poteau, j'suis aniqué, aniqué. Tu veux killer mon frère? Ouais. Aniqué, aniqué. C'est le us. J't'enchaîne pas les deux pour mes rivaux. J'attendrai pas qu'il a pu m'en faire pour dans ce qui va. Des femmes en rapé, des femmes et potos. Riyad, Fouad, Naïd, Nina, Denzel, Antman, Yas, Gulti, Anas, 14, 15. Wesh. Tu veux killer mon frère? Potos, je suis aniqué. Tu veux killer mon frère? Potos, je suis aniqué. Tu veux killer mon frère? Wesh, Maro. Potos, je suis aniqué. Ma fuck. Extrait de French Riviera, bande d'enfoirés. Roger House. Tu veux killer mon frère? Je suis aniqué, aniqué. Puto. C'est le US 19. Ma fuck. Envoyez-moi vos photos. Vos photos avec A7 dans les mains et vos watts. Bande d'enfoirés. Sur mon Twitter, sur mon Insta, sur Snap. Oh ouais. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Wesh Panam. 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-7. C'est comment? Je suis venu sur les champs moi aussi. Oh ouais. One love. Hey. Les petits sont mûrs, la vie c'est dur. Suffit pas de le dire, assis sur un mur. Vois l'avenir, bloqué dans l'obscur. Heureux dans la mire. Je suis pâle, bénévole. À l'instar des autres, je suis sur le toit. T'es en quête du love, je suis en guerre. J'appuie, baby, je crame. Chacune son goût. Deux putes dans le même lit. Le M en a les mêmes goûts. Chant du route. Un bon siège cuir pack. Un fer couleur nacré, ray, la oui, la oui. La main sur les champs, je l'ai pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Sur les champs, je l'ai pas loué. J'suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elle veut m'amadouer. Je suis sans tous mes potes, y'a pas de méthode. Mensons partout, ouais. J'suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments. Hein? Fuck le monde des mondes, on revient de loin, si loin. Aujourd'hui, on rôde en gamme sur les champs, je l'ai pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Qu'un doigt pour mes haters, jalouse elle me dit wesh, ouais, est-ce qu'on s'appelle après 9h, j'attends quand même depuis hier. Tu sais j'ai mes envies moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure? J'ai sorti la ruine du frère. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, je te paye après. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille bébé. Tu sais que je sais. Appelle-moi plus tard, là je suis en. Gamme sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Elle a loué. C'est fait sur les champs, pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs. Sur les champs, je n'ai pas le rêve. C'est pas loué. Ah ouais. J'ai pas mis dans qu'elle est déjà mouillée. Disponible, mais c'est les reins, ça y est. On y est, on va les fourrer. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Alicia, One Love. Grosse pensée. Évidemment que je suis joueur. À nos morts. J'ai plus peur d'échouer. Marseille. Noyé dans des larmes de douleur. Des diamants, sèche-les. Quand elle brille tout là-haut. Elle nous voit, je réalise à quel point le ciel est beau. J'ai les mains sur une crosse, le téflon sur le dos. Dans le vent et la braise, on a grandi, mais je veux mourir près de l'eau. Hein? Faut que je la sorte du coma. Avec ou sans love, stoppé par le temps, l'ego, l'amour du mauve. Je croise au mur, j'entends dans ses murmures que j'ai mis son cœur en lambeaux. Hier encore, t'avais mon nom sur les lèvres, depuis l'op, t'es plus la même. Où qu'on aille, tu m'as dit aimer, c'est pas tout. Rien n'est à moi, rien n'est à nous. Ma santé pour un smic, j'préfère crever riche et solo. Page zone air, cross celui qui se met devant. Ma vie dans un disque, mon son dans ton bendo. À nos morts, à nos restes en photo. De tes hôtes n'est pour mourir debout. On affrontera quand même. J'ai oublié comment vivre. Tant que le soleil se lève, avec ou sans love. Tant que mer n'est pas sauve. J'suis parti, j'ai pris des risques, mais j'vais pas revenir pauvre. J'te l'ai dit, j'tiendrai promesse. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. J'ai du temps, j'ai peu sommeil. Ma gorge nouée, mes peines en chiffres. Si tu m'entends, j'suis entier. J't'ai dit chérie, attends, moi j'suis en guerre. Tu m'attends, tu me perds. Depuis longtemps, j'le savais, j'ai vu clair. Laisse tomber, j'ai plus mal. Ah, j'parle à la lune, j'vois ton reflet dans l'eau. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Ah, tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Ah, tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Quand les regrets reviennent, je repense et je tourne en rond. Jamais plus je ne te dirai bébé reviens. Et pour le reste, j'ai pas tourné ma veste. Tu t'es senti seul dedans. Quand le temps passe, les blessés se tombent. On oublie pas, on vit avec. Hein? À nos morts, à vous. Gouache sur les phalanges, violent. J'ai grandi, j'ai plus les mêmes hantises qu'avant. J'ai choisi de le faire à leur détriment. Non. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. J'en montrerai quand même. Tant que le soleil se lève, avec ou sans love. Tant que merde n'est pas sans dents. J'suis parti, j'ai pris des risques, mais j'vais pas revenir pas. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. J'ai du temps, j'ai peu sommeil. Avant de m'avoir dit je t'aime, m'as-tu dit je t'aide. Va de l'avant, réalise tes rêves. Père émerveilliste, la meilleure ou la pire chose qui m'arrive. Qu'elle me donne, j'en veux plus, j'en ai mal, t'as joué la veille. Asset, mais c'est les rats, faut aller se le procurer. On y a mis de l'espoir, c'est un putain de projet. À la tienne. À la mienne, ma petite gueule. Fusil. SCH, c'est ce morceau qui s'appelle Fusil, qui conclut d'ailleurs ce projet Asset. Qui conclut Asset, ouais, c'est pour finir en beauté et pour vous préorienter vers ce que va donner le projet. Eh ben merci d'être Future. Passé en tout cas SCH, on va finir avec un dernier freestyle hein. Ouais, bah ben vas-y ma petite gueule, envoie ça. On envoie ça, on se dit au revoir après. On se dit au revoir après, bien sûr. C'est un freestyle que t'as balancé comme ça celui-ci? Je vous l'envoie comme ça en exclu, on est le 13. Putain que ça va être bien. Je sais pas, je me dis que c'est le moment de l'envoyer. Oui. SCH One Love, tous mes scélérats de France. Wesh la Belgique, wesh l'Allemagne. J'avais rien, j'étais rien, j'ai percé. Là y'a trois putes sous mon plaid. Trois putes. Je suis comme tous les fils de pute qui m'aiment pas, j'attends à 7. Mes vieux démons m'habitent, je les baise et je retourne dans mon route. J'en les métaux des sacs poubelles, je recharge ma main, on crie à l'aide, à l'aide, à l'aide. Suce mon fusil, suce en usé, je suis heureux. Ils fument les drogues nuisibles, donc je vais mourir, mais après eux. Je roule, c'est du jaune, j'ai mon verre de rhum, je fais de rond. Ma musique est bonne, donc je baise la plus bonne. Pour 0 euro, tu m'as vu maigrir à vue d'œil. Pouto, hein? T'es aigri, j'ai repris. Sans sol, c'est Ruti. On sait qui sait mentir, on sait qui sait Ruti. Tape, flingue sur la tempe et tu me remets. Couille en acier trompé, j'suis dur. C'est des dep, j'ai rodé. Sommeil introuvable, insomnie vidure. Ah, bidure, j'ai du temps. De ces zettes là, j'crois bien que j'peux vous tenir tête. Ah, si eux là, pute, t'es aux toilettes. Mettant la vie bête, RR1000, rouge au stel. C'est pas mon son sur la stèle. Ce soir on skill, police Ariane Black. C'est pas mon nom sur la stèle. Cendrier plein de cendres. Elle veut mon membre. Après depuis la naissance, je te fourre en novembre. Je la vends redescente. Ma drogue est méchante, c'est les rats. Ils m'ont dit que c'est des hommes. J'ai dit que c'est des tentes. Je connais le prix du gramme. J'ai pas peur des ventes. Pour te faire vu ta trempe, je sais que ça va me coûter moins que 30. Viens à moi. Regarde, je pense même à ta daronne. Pour le jour des obsèques. Si j'ai ta tête à 25, je paierai la plus belle couronne. Violent dans l'attitude, les propos. Si j'ai vu papa faire. Toi dans la prise électrochoc, élevé trop tôt par un mur. Je suis pas dans ta file, pas dans ton troupeau, mon poteau connaît ta serrure. Je serai au salon, je regarderai automoto quand tu vas te niquer ta mère. Et j'aurai ta photo. Comme preuve qu'on t'a bien secoué. Je demande combien y'a de chevaux, combien? Pas combien ça va coûter. Je suis pas ton égérie, je connais l'échec. Chérie, j'ai plus peur de douter. Mais t'as teuté, chérie, je connais les jeunes. Je sais que t'as pas peur de goûter. Le route le sait, oui, tonton, depuis longtemps. T'es sur Facebook, je suis sur Panam. T'as kiffé le film, t'es mort dedans. J'étais sur tes côtes, là je suis sur ta dame. Trop de taf, donc plus de time. J'ai plus le rhum, donc plus d'âme. Plus je grogne, plus je bois, plus je gagne. Plus je grandis, plus je gagne. Motherfucker. Ils veulent ses pères, ils ont l'argent mon père. Fils de pute, t'as faim la Fnac. J'cache mes cernes. Bélé, j'ai toujours la niaque, là j'passe mes nerfs. L'herbe est jamais assez verte, le champagne a jamais assez de bulles. La concu sera jamais assez forte. J'pense à l'artiste dans sa cellule. On veut juste mourir millionnaire, puis l'état embryonnaire. J'me revois un petit peu sur les nerfs, bleu nuit échantillonné l'air. J'ai bien plus qu'une histoire, bien plus qu'un univers. Prépuce dans la coque de GP, ta pute sans plus c'est molaire. J'opère roi dans l'air, mais c'est les rats savent que c'est chloriculaire. Toi je te baise à la régulière, même si chez toi c'est chaud. Chez moi c'est caniculaire, j'en suis qu'autour des chauds. T'as le nez dans les guépards, hein. Tu véléda, j'ai le nez dans tes affaires, malafac. J'suis adoré, aïe, j'ai trimé. J'ai plus d'ennemis qu'un d'étoiles dans le ciel. Au début j'voulais qu'une Ferrari. J'me retrouve à vouloir tuer gratuit. On grandit mal, on prend 10 grammes, on prend 10 kills et puis on prend 10 balles. On grandit pas une arme sans réduit. On la laisse dans les tuyaux, cognon si on tire pas. Y'a ta tête sous mes baskets, j'appuie dessus si j'fais pas platine. J'ai la barre à mine, j'suis dans les baratins, t'es dans les baratins, dans les baratines. Ils auraient jamais cru que j'ferais des millions de vues. Hier matin, j'ai vu ton hypocrisie, mais t'as rien dit quand je t'ai serré la main. Hein? Fils de pute, le A, le M, Titi, Hutch, Igwen, Willy, Guest, Ariel, Fouet, Naïd, Nina, Denzel, Rosmania, Culture, Anas, 14, 15, Anomar, Marseille, Calis, 134, 2-0, Côte, Marcel, c'est les rares, Hood Boys, ma fac, c'est le S. Wesh Wallonne, Lune, bâtiment B, wesh Darty, wesh La Soli, wesh Abdou, wesh Kada, C4, wesh Senga, wesh Selim, Medji, Yassim, la brigade, bande d'enfoirés, wesh Caliste, Bocal, Patch, Juan, wesh, c'est comment? A7. A7 est dans les bacs et ce freestyle l'instant de SCH. Merci pour ta venue, SCH. Bah non, c'est moi qui te remercie. Et on attend la suite, donc la suite c'est quoi? C'est un album? La suite c'est de grandes folies, frère. C'est vrai, t'es déjà dessus? C'est de grandes folies, vous serez bien trop tôt au courant, t'inquiète même pas. Bon, on peut dire quoi, 2016? C'est même pas sûr, frère. Avant? Peut-être, on sait pas. Bon bah faut guetter, allez. Plein de folies. Bon, merci en tout cas d'être passé ce soir, on te retrouve demain du côté de Lyon, c'est ça, hein? Ouais, Red Room à Lyon, les frères.

Et puis voilà quoi, on va voir ce que ça donne. Donc c'est fini, on peut dire 40 000 gangs, ça y est, chacun est parti de son côté un petit peu. En fait, ça s'est fait naturellement en fait. On a tous choisi un peu de... Moi personnellement, pour ma part, de me frotter à ce qui se faisait de mieux dans le rap en ce moment. Voilà, on a trouvé un accord à l'amiable, on va dire. Et voilà, je balance mon projet très prochainement. Et voilà. Bon, pas de regrets, hein, comme disait, pas le temps pour les regrets. Regret, voilà, mais voilà, c'est la famille, c'est les frères, on reste en contact. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Donc toi, présentation, alors un petit CV express, j'ai envie de te demander, le rap, toi, est arrivé quand dans ta vie, au quotidien? Ouais, le rap, j'ai commencé très très tôt, comme tout le monde, on va dire. Comme tous les mecs de quartier, j'ai commencé il y a maintenant 7 piges. Donc toi, ouais, super jeune en fait. Ouais, super jeune. On est rentré dans ça, après ça s'est enchaîné très vite, avec SDHS, on a fait des strip clips, on a balancé sur le net, etc. Et après 40 000, vous connaissez déjà l'histoire, hein, 40 000, Booba et tout, on a fait le buzz, on a fait le buzz qu'on devait faire et voilà. On a créé un accélérateur. Oui, c'est vrai, il faut le dire aussi, il y a quand même eu un accélérateur, c'est vrai que forcément, il y a un coup de projecteur. Ouais, exactement, ouais. C'est vrai que Booba nous a donné beaucoup de lumière, il nous a apporté un truc et voilà, ça j'en suis reconnaissant. À ce niveau-là, je respecte ça et voilà. Et maintenant, la page est tournée, il y a une nouvelle aventure qui est en train de s'écrire. Nouvelle aventure avec. Derrière moi, en fait, il y a une bonne structure. C'est-à-dire, il y a des mecs qui bossent et il y a un projet noir qui arrive. Donc toi, c'est un projet sombre, très sombre. Qui arrive pour quand, alors, ce projet? Qui arrive pour quand? Là, je ne vais pas vous dire, pour pas dire de bêtises. Plus 2016, non? Voilà, plus 2016. Et là, j'ai comme pour projet d'enchaîner des street clips, d'enchaîner le plus de sons possible avec des clips, des sons, voilà. Et après, bon, pourquoi pas balancer un projet, on verra. Bon, donc, il y aura peut-être est-ce qu'il y aura peut-être l'intermédiaire, genre soit mixtape, soit EP avant, soit... Ben ça, j'ai envie de dire, ça dépend de l'engouement, en fait. Ça dépend de l'engouement qu'il y aura autour de moi, autour des sons, quoi. Ça dépend, mixtape, album, je sais pas encore. Bon, bah là, t'es venu en tout cas avec un morceau qui est arrivé, je crois, tout à l'heure, hein, 18h, il a été balancé. Ouais, exactement, tout à l'heure, et il s'appelle Sarajevo. Un street clip très très lourd. Donc le clip pense. Aussi, pareil, les images sont dispo. Pareil, disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, elle bon. Caméra officielle. On l'écoute ou quoi ce morceau? Allez, balance ça. Coup d'envoi, Sarajevo, la nocturne. Monsieur El Kamer est là avec nous. Sarajevo, Sarajevo, bande de Koufal, Monsieur So, mon ami, Dieu. Sarajevo, Sarajevo, quel Koufal va m'assiéger, hein? Millions d'euros, je lis vos commentaires, bien sûr que je suis doué. Grosse lucarne, Yaya Touré, camère légendaire comme Marc Vivien Foé. Ils ont creusé ma tombe, jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir bien tué. Nègue, nègue, anarchie, hein? Pirate, anarchiste. Piatch, ramène, déco, pin, bang, bang, dans vos chats, crochet, verra, chi. Oh là là, on en force tranquille, si je ferme ma gueule, c'est pas preuve de faiblesse. Habitué au mal, on a traîné dans les halls air, transporté de la gueule gros en état d'ivresse. D'ailleurs, j'attends toujours mon chèque. L'assassin boit le bif de son sang. J'ai le Glockzer qui caresse ma cuisse, je peux t'allumer la même soirée, je me taperai une lobsa. Tchè, prends-moi si je boycottais. Bang, seule ta conscience pourra nous le dire. Je leur pète la carotte. Cheat, vision, trouble, ton sommeil va s'approfondir. J'ai trop d'ennemis sur mes côtes, maman, j'ai plus quoi faire. Mon avenir est tracé, pourquoi s'acharner à me mettre des barrières? Sarajevo, mon ami. J'ai tellement souffert. Oui, mon seigneur, j'ai tellement souffert. J'ai dû dealer pour avoir du réalisme. Les gros, grands m'insultent, parole, j'en suis pas fier. Boule biscoir, les amis, c'est chaud dans la ville. J'avais pas le choix, car je viens d'une famille pauvre. L'inspire noir, elle vient de Sarajevo. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. J'ai tellement d'ennemis sur mes côtes, maman j'ai plus quoi faire. Wesh, monsieur So, y'a des armes de guerre qui viennent d'Est. J'ai de plus en plus de frères en tôle et j'ai plus en plus de haine. Donc ma plume s'engraisse. Quoi, quoi, bah je suis mort. J'étais dans le bloc, habicraft de l'herbe. J'suis dans le stup, toi t'es au stud. Non, j'avais pas le choix pour me satisfaire. J'connais la misère mieux que son père. Plus de 10 piges que j'ai pas vu mon père. Donnez my nègre, donnez my nègre. Follow me dans les bails noirs qui t'a pété du ferme. Koufar, Koufar veut la place du boss. J'ai zéro défaite sur ma leur gloss. Arrogance pleine gros, arrogance pleine gros. J'arrêterai le rap quand mes poches seront pleines. Le R fait les jazz dans l'ombre. J'ai le silence d'une Aventador. J'ai le silence d'une Aventador. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus fort. Dis-moi qui est le plus gore. Dis-moi qui est le plus gore. Je leur pète la caro. Petite vision trouble, ton sommeil va s'approfondir. J'ai trop d'ennemis. Sur mes codes, maman, j'ai plus quoi faire. Boulevis Square, moi qui veux si on ensemble la famille. Pourquoi s'acharner à me mettre des barrières? J'ai tellement souffert. Furtif en ensemble, frérot. Seigneur, j'ai tellement souffert. J'ai dû dire pour avoir du réalisme. Négro, grand-moi sur parole, j'en suis pas fier. Mon ami, mon ami. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. Restez branchés, les amis. L'aspect noir, elle vient de Sarajevo. J'avais pas le choix car je viens d'une famille pauvre. J'ai tellement d'ennemis. Sans mes codes, maman, chef, tu vas faire. Le clip est disponible, les amis. Sur ma chaîne YouTube. AKA Monsieur Sosa. Sarajevo. Premier son d'une très très grande liste. Square. Bitch! La Nocturne, donc, avec ce petit passage express de Monsieur El Kamer qui est venu nous rendre visite dans La Nocturne. Bah, merci d'être passé en tout cas. Donc, Sarajevo, ouais, le clip est déjà dispo. On peut le retrouver, hein, c'est ça? On peut. Sur ma chaîne YouTube, El Kamer être... officiel. Ouais, tiens, balance les réseaux sociaux d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut te suivre et tout, avoir des infos? Instagram, El Kamer, ELHKMER. Twitter, pareil. Et Facebook, pareil. Donc voilà, pour aller rejoindre et avoir toutes les infos. Et puis on attend, donc tu viendras faire aussi ta nocturne, hein, maintenant. Une nocturne complète. Complète, c'est vrai. Quand le projet sortira. Sortira, Inch'Allah. On va suivre ça pour 2016 en tout cas. Petite dédicace également à Furtif, hein. On attend les nouveaux sons. Furtif, c'est la famille. On attend les nouveaux sons du garçon. Rapidement, bah merci d'être passé en tout cas à toi. Non, merci pour l'accueil, ça fait très très plaisir. Et bah, ça faisait plaisir aussi de te rencontrer. Okay. Tu salues évidemment tous ceux qu'on connaît là-bas dans le 9-2. Ok, fortement, j'oublierai pas. Une grosse dédicace. Et monsieur El Kamer, allez cliquer, allez découvrir. Ah, clic mon ami, c'est chaud dans la vie. Allez faire un tour, allez découvrir justement donc ce morceau, notamment qui s'appelait Sarajevo à l'instant. La nocturne continue sur Skyrock. Merci à toi d'être passé. Merci à vous. Planète rap. 100% rap français. Nocturne qui continue maintenant avec un titre inédit de Nekfeu sur la réédition Feu. Ça sortira le 4 décembre prochain. Lourd comme une plume. J'aimerais être contemporain autant qu'intemporel. Pour ça je contemplerai le ciel. Je suis de ceux qui tendent l'oreille, pas de ceux qui attendent pour rien. Y'avait personne quand on pleurait, c'est l'hécatombe qu'importe le réel. Vu que c'est Dieu qu'emporte le rêve, mon Seigneur c'est pour ça qu'on t'implorait. Je vois les restes de bons sentiments dans mon cœur incorporé. Emporté par un corbeau, incarné par ton corps, je pourrais encore pleurer. Mais je suis plus qu'un missile téléguidé. Fais ta arme et quand t'as décidé de me quitter, j'ai plus quitté pour danser. Entièrement de ma faute, t'as tout faux si tu crois que les garçons vont en boîte pour danser. On pense avoir le temps de se rattraper quand faut se dépêcher. Parmi ceux qu'on fait céder, combien veulent qu'on fasse des péchés? J'ai prédit que certains céderaient d'un psy, hein. On a tous le droit à cette rédemption. Alors j'ai épousé ma plume pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Y'en a qu'une et elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. J'suis là pourtant mais j'suis absent, ouais. J'ai épousé ma plume. Ce soir pour mes matelots, y'aura pas de dîner dansant. On partagera une taille qu'on fera néné dans le centre. Ouais, on aime être ensemble, toute l'année les gens le sentent. Attiré par la violence parce qu'on est né dans le sang. Aucune affaire conclue avec les lâches. Ceux qu'on eut quand j'avais rien, à part l'amour de mes galériens. Ceux qu'on eut avec des haches. Seul dans ma hutte, les yeux sur mon avenue. Je pense à tous ceux qu'ils ont eu. La route tourne plus, y'a sûrement un U. Je pense à toi mon frère qui a épousé ta plume. Dépoussiérer ton armure et repousser la brume. Liquide nocif dans ta cristalline. Dès que la crise t'abîme, mais quand t'écris ces lignes, des étoiles qui s'alignent hors de ta chrysalide. Béni soit celle qui embellit ton ciel. Même dans l'horreur pénitentiaire, quand tes erreurs pénitentiaires. Et quand le mal t'encercle, t'as une femme sincère. T'en es maintenant certes, hein. Car dans tes yeux les flammes dansèrent. Force à toi si t'as épousé ta plume. Si c'est la seule qui t'a plu. Si vos chemins ne se quittent plus. Moi elle m'absorbe comme la goutte d'encre sur laquelle je mets l'accent. J'suis là pourtant mais j'suis absent, c'est vrai. J'suis plus vraiment là depuis que j'ai épousé ma plume. Pour affronter les tempêtes et repousser la brume. Y'en a qu'une et elle m'absorbe. J'suis là pourtant mais j'suis absent. Hein, si j'étais un marin, je lèverais l'ancré. Mon verre de rhum est chancré à la gloire des femmes aux robes échancrées. Y'en a certaines que j'oublie vite. Et je fuis comme un lâche. Mais toi t'es parti en me laissant blanc comme un linge face au lit vide. Si tu laisses la flamme mourir, je mourrai d'abord.

Gradure dans la nocturne. Le jeu. Los Santos. Okay. Poto, ça pas commencé, c'est déjà fini. Mon flow se transmet plus vite que syphilis. Le Bob Zer a fait des bébés dans tout Berris. Va Mélido Teki, on se barre un lundi, jour de Berkis. J'suis au lait de toi, à Phuket, dans une suite, trop loin de toi. Disque d'or, pas qu'un buzz, 50K, remets-toi. Mes potos font monnaie, des terres de janvier à décembre, tu connais. On enchaîne les tasses et les contrats, les showcases, la de oui, la codée, putain, j'suis trop foncé. Tu m'as sali, moi j't'aimais, mais nique sa mère, négro, t'es pas moi en bas. Mais comme j'ai un cœur, si tu tombes, j't'enverrai, oui, peut-être quelques mandats. La street a tout gâché, mais le rap m'a sauvé. J't'ai banni de mon entourage parce que t'es mauvais. À l'époque de tes couilles, salope, arrête d'aboyer. Aujourd'hui, j'm'en tire mieux sans toi, qu'est-ce tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? À force de sucer dans mon sperme, tu vas te noyer. La Sanchez, un Naughty, Bugatti dans le Bugli. Mais les poches sont vides quand il faut payer le loyer. J'touche pas la coco, non, j'préfère la weed. N'ayez aucune crainte, la mixtape arrive. Toutes sortes de brolis, de bolis, de folies, de copies, de freestyle pour faire kiffer tous tes acolytes. J'reviens des terres comme à l'époque des Chegué. Tous ces fils de pute au début, ils se moquaient. Aujourd'hui, j'ai percé, enculé ton rap game dans l'arène. Comme Crix, suis au-dessus de la mêlée. Si rentre dans mon verre, oui, j'suis fêlé. Contre Tess, allez, venez. Tobé Damassa, Sibisonio, se ramasse les douilles, n'a ma pelle. Mbata, Mbata, Makilana solo. Oui, je suis un soldat, poto, je me fais seul. La blanche de les narines, bleu comme la marine, vert comme ma de oui, marron au goulot. La chatte à marine, jamais je ne chavire, à bord du navire, et toi tu coules. Dans un 5 étoiles, retour de deux bois, je lui crache au faciès, et là je dessoule. L'aspi à tout paquet, le flow amigo, je leur ai laissé quelques échimos. Venu dans le game pour prendre des billets, moi oui, j'm'en bats les couilles, la chatte à Ketmos. Haki les nègres, oui, j'suis déter comme un cowboy du Texas. Carl Johnson, j'leur fais la reggae. On allume au Uzi à Los Santos, le gang des balas. Le gang des balas. J'ai caché mon butin comme Tony dans Palace. Ils veulent tester, ils sont malades. Un chapeau sur la tête comme JR dans Dolos. De vin sur l'instru comme au volant. Des rappeurs des sens, c'est trop collant. On leur donne la force à tous ces fils de pute et ils oublient une fois qu'ils décollent. Maman m'a dit fais la maille, ne t'occupe pas des hommes. C'est pas des hommes, ils ont un clito à la place du zop. L'inspire à tout paquet, le flow amigo, je leur ai laissé quelques échimos. Venu dans le game pour prendre des billets, moi oui je m'en bats les couilles, la chatte à Ketmos. L'inspire à tout paquet, le flow amigo, je leur ai laissé quelques échimos. Venu dans le game pour prendre des billets, moi oui je m'en bats les couilles, la chatte à Ketmos. Soldat Ryan et ses renégats, Che Guevara va faire des dégâts. J'suis en Ligue 1, ils sont relégats. Frontaux raté comme un hooligan. Les douaniers on arrache les barrages. T'es pas un gangster, arrête ta mascarade. Guevara tient, poumon arraché. La mort du tient, tient, j'vais te lâcher. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Seth Gecko Niska. Bye bye bye. Oh. On vend la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Yas coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. Monte le peine sur le toit. Et c'est moi qui le pousse. Deux yeux qui regardent un beau cul ne valent pas un doigt qui le touche. Mundele, mundele, mundele, mundele, mundele, Madeus. Nick Mozart à Madeus. Allez, donnez-moi des ous. Moi je suis bipède, car je marche debout. Toi t'es un bipède, car tu suces par les deux bouts. Ils se firent niquer tabasser, car ils sucent par les deux nous. On rendra les coups, par les coudes, par les genoux. Je préfère un pack à tout qu'à rien, plutôt qu'un catarien qu'à tout.

J'arrive en bas, t'inquiète, j'suis juste en bas. J'ai pas oublié de ramener mon flot de taré. J'suis le découpeur, on m'a dit coupe-les. Fais-le vite, avant se couper. Allez leur dire qu'Amène arrive, on va lever les voiles. Il est tous en train de vous doubler. J'entends tout, j'vois tout. J'ai de grandes oreilles comme Mickey. M'entendra partout pour la dernière fois. Criquet, criquet, criquet. Il critique, mais il ne faut que criquer. Criquet, criquet. Il critique, mais il ne faut que criquer. Criquet, criquet. Il critique, mais il ne faut que criquer. Y'a à dire de cliquer si tu n'es pas équipé. Qu'on veut qu'on équipe. On l'a découvert dans Planète Rap avec Nawel Madani. Grandit bien MN du 7-1 qu'on écoutait un instant avec Criquet. Nocturne qui continue. Bison avec Panam, c'est maintenant dans la Nocturne 100% rap français. 100% rap français, Planète Rap. Bilal aussi, ça arrive. Panam, hey, Panam, je m'entends. Panam, Panam, je m'entends ou pas? Panam, Panam, j'essaie de tuer le temps avant qu'il s'arrête. Déchiffrable comme le monde de business qui se touche à la sauvette. Criblé de balles ou criblé de dettes. Tout ça est moche, je sens la fin qui se rapproche. Je tourne en rond-point dans ma putain de tête. À bord d'une allemande qui n'est même pas en règle. Je perds la mémoire si les flics m'interpellent. C'est lamentable, y'a rien de lamentable. Passage à tabac à deux bas, la street c'est animal. Les tapins de Pigalle me sourient comme des hyènes. Convoque ma sueur moralise comme des chiennes. Dans vos chasers avec Podoken. La dame de fer me drague très méchamment. Réveil, les champs et les départements. Vampire life, on essaie de tuer le temps. Argent sale ou propre, pas de sentiment. La dame de fer me drague très méchamment. Sombrer dans la folie. Périph, périph, la nuit esquive les démons de minuit. V3 sécu sur Paname, y'a quoi péter un câble. Elle tape son rail devant les keufs normales. Il sort son arme devant la foule normale. Capitaine, capitaine, PSG, PSG, Zlatan, Zlatan. Nasser, Nasser, Nasser, on veut la coupe aux grandes oreilles. Plongé dans mes rêves, du zoo on voyait la tour Révèle. Passe le radar, place d'Italie. Bye bye Paris. Ce n'est que partie remise. À demain Paris. Passe le radar, place d'Italie. Bye bye Paris. Ce n'est que partie remise. I love you Paris. La dame de fer me drague très méchamment. J'ai fait les champs et les départements. Vampire life, on essaie de tuer le temps. Argent sale ou propre, pas de sentiment. La dame de fer me drague très méchamment. Banane.

pas les couilles de quitter. En larmes pour la mort d'un proche, pas parce que cette pute m'a quitté. Parlons bif si tu veux que je vienne. Tu suces trop pour le peu qu'on paye. Ça fait bien longtemps que tu parles plus à personne. Il serait grand temps que t'arraches ta gueule du game. Alors comme ça j'aurais raté la mancable. Puis tu m'étonnes que je prêche le pire. Leur vécu de voyou, c'est qu'une grosse blague. Leur album c'est le Marrakech du rire. Du bif, du bif, du bif. Un coup de fil on te fait un smic en deux deux. J'ai pas attendu le rap pour faire le tour du monde. Faire des sous, mettre des culs en leule. Qui vit ce qu'il dit, qui dit ce qu'il vit. Sur la tête de mon petit, on est très peu. Boycott. C'est mort, j'percerai pas même s'ils sortaient tout un disque en hébreu. Ah regarde-toi, espèce de pauvre mec. T'as mis ta paye dans 2-3 bouteilles. T'as cru que la vie c'est gaufrette. Bref, tu es toujours anti-michto. Attends celle-là, j'vais te la faire deux. J'ai vu cette pute passer de table en table. J'ai failli croire que c'était la serveuse. Cherche pas à être à la mode. Cherche pas à être à la mode. Bien plus hardcore que la norme. Bien plus hardcore que la norme. Aucun combat qu'à la mort. Aucun combat qu'à la mort. Y'a pas plus gros remords que la mort. Y'a pas plus gros remords que la mort. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Tu peux attendre des manches se branler. Si tu penses me faire enculer. Faut que je crève ou que je fume un caisse. Et tu verras ces petits compliqués. Un dans le vagin, un demi dans les seufs. Faut faire simple quand c'est trop compliqué. J'aime pas parler, je laisse le neuf. Uzi Glock pour communiquer. Ta soirée, elle est comme ta meuf. Il suffit que j'arrive pour la niquer. Ça charbonne comme des fous pour faire des sous. Ça pète le mois d'août, rien à foutre. C'est la crise de nerfs, c'est la brigade déçue. Pas ton single de merde qui tourne en boucle. Ouais, ouais, je les baisse tous, n'en ai plus de doute. La drogue n'est pas douce, c'est la dans le boule. J'suis mort de rire quand je les vois faire les choses. C'est que des voix locaux, des racailles discount. Sors des disques, rap en gueulant ta mère. Personne t'entend, sale bâtard, c'est comme la paire qu'ils assisent du mob. Personne t'attend. Bref, on s'est compris, suce des beats, sors des compiles. On me trahit qu'une fois, je t'encule ta mère. Si tu prends mon estime pour un code pin. Cherche pas à être à la mode. Cherche pas à être à la mode. Bien plus hardcore que la norme. Bien plus hardcore que la norme. Aucun combat qu'à la mort. Aucun combat qu'à la mort. Y'a pas plus gros remords que la mort. Y'a pas plus gros remords que la mort. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Tu peux attendre des manches se branler. Si tu penses me faire enculer. Ça roule du jaune sous votre capote. Ça fume du blood sous Coca Jack. Chat de tôle comme Al Capone. Histoire de pas de cardiaque. Et puis merde ce soir ça va pas. C'est un verre de Jack sans glaçon. J'ai fait un tour dans le rap game. J'ai vu que des mecs traînaient sans caleçon. C'est une maison de disque ou un film de cul. C'est pour mieux vous sauter que je prends du recul. Trop de principes pour ces fils de pute. Y'a pas que pour chier que t'as baissé ton fut. Par un vénère, tu connais l'équipe. On n'aime pas perdre et s'il y a pas de trêve. Marche ou crève, si tu veux la paix j't'invite à faire la guerre. Hardcore et vulgaire, je sais pas m'arrêter, je connais pas le dernier verre. Faudra s'y faire, dur et si fier. Même sur civière, je viendrai te niquer ta mère. Cherche pas à être à la mode. Cherche pas à être à la mode. Bien plus hardcore que la norme. Bien plus hardcore que la norme. Aucun combat qu'à la mort. Aucun combat qu'à la mort. Y'a pas plus gros remords que la mort. Y'a pas plus gros remords que la mort. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Tous vous faire enculer. Tu peux attendre des manches se branler. Si tu penses me faire enculer. C'est la fin de la nocturne 100% rap français avec le son de Bilal qui va sortir un nouveau son par mois. C'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Prochain rendez-vous avec Planète Rap, c'est lundi 20h-21h avec PNL, ou du moins l'univers de PNL à découvrir tous les soirs entre 20 et 21. Je vous en parle dès lundi. À pas louper sur Skyrock et prochaine nocturne dans une semaine. Passez une bonne nuit. Fabulo au contrôle, c'est reparti. Rap R&B non-stop. Ciao. Rap R&B non-stop. Skyrock. Audio production.